Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet. Nous sommes ensemble jusqu'à 5h du matin. La nuit des prix littéraires. À la veille de la remise de certains grands prix littéraires, mais la nuit étant commencée, la journée l'est également. Et donc la remise des prix en question, Goncourt et Renaudot, est pour dans quelques heures. Tout le monde ne doit pas dormir très tranquillement cette nuit. Bonne raison pour écouter notre nuit sur France Culture. Donc, à la veille, donc, je répète, de ces attributions, de ces récompenses, de ces enchantements, en tout cas pour les auteurs et pour les éditeurs, il me semble judicieux de passer la nuit en compagnie d'heureux élus dans le passé, une succession que l'on souhaite harmonieuse, de moments loufoques, émouvants, graves, critiques. Alors, nous débuterons la programmation de ces archives de cette nuit des prix littéraires par un sketch qui était inclus dans une tribune de Paris, dans lequel Grégoire et Amédée, les fameux Grégoire et Amédée, livraient le manuel du parfait lauréat. Première diffusion, 6 décembre 1946. Un an plus tôt, le 6 décembre 1945, donc, le prix Femina était attribué à Anne-Marie Monet pour son roman « Le chemin du soleil ». Nous entendrons la lauréate. Et puis dans une tribune de Paris qui date, elle, de 1948, sur la chaîne nationale, un débat était animé par Paul Perronnet et il réunissait Francis Ambrière, prix Goncourt, 1940, mais prix réservé et décerné en 1946, on comprend pourquoi, Jean-Jacques Gauthier, prix Goncourt 1946, Marcel Arlan, prix Goncourt 1929 et Paul Guth, qui allait obtenir, mais beaucoup plus tard, en 1984, le prix Chateaubriand. Thème du débat, diffusé donc le 30 avril 1948, les prix littéraires. Suivra La condition humaine, une version radiophonique du roman d'André Malraux, prix Goncourt 1933, roman adapté par Luc de Caunes dans une réalisation d'André Gilles, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 mars 1947, avec entre autres comédiens Alain Cuny, Jean Villard, Marcel Errand, Lucienne Lemarchand. Puis, nous assisterons à une interview à peine imaginaire par Marcel Mitois, le journaliste lauréat d'un prix littéraire, interprété par François Perrier. Ensuite, cinéma pour les ondes autour du film Léon Morin-Prêtre, le film de Jean-Pierre Melville d'après le roman de Béatrice Beck. On était le 9 octobre 1961, Béatrice Beck qui avait obtenu le Goncourt en 1952. Et puis on terminera par une séquence des Décraqués de Bertrand Jérôme. En novembre 1995, Jacques A. Bertrand remettait le prix Frédéric Pagès à qui? Eh bien, vous écouterez cette émission des Décraqués. Donc, eh bien, avant de terminer la nuit des prix littéraires, nous allons la commencer. Nous allons la commencer en votre compagnie, Luc Fraisse. Bonsoir, Luc Fraisse. Bonsoir, Philippe Garbi. Alors, il y a moins d'un mois est parue la dernière livraison, à cette date, d'un écrivain qui lui aussi a obtenu le prix Goncourt, pas très récemment, c'était il y a un siècle, c'était en 1919. L'auteur, c'est donc Marcel Proust. On s'en souvient, et comment l'ignorer qu'il a obtenu le Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc 1919. Il y a eu d'ailleurs un essai de Thierry Laget au printemps qui racontait ce que fut ce prix Goncourt, Proust prix Goncourt, une émeute littéraire parue chez Gallimard, lequel Thierry Laget a obtenu aussi un prix, c'était le prix Céleste Albaret. Alors Luc Fraisse, ce n'est pas du prix Goncourt de Marcel Proust en 1919 que nous allons parler avec vous cette nuit, mais de texte inédit, ça s'appelle Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites, c'est publié aux éditions Bernard de Fallois. Mais après tout, Proust aurait pu obtenir le prix Goncourt pour son recueil de nouvelles, encore que le prix Goncourt n'existait pas, lorsque sont parues ces nouvelles, mais le prix Goncourt a été attribué parfois à un recueil de nouvelles. Oui, ça n'avait pas y penser, hein, au prix Goncourt et pour cause. Mais il y a pensé très tôt parce que on peut reconstituer maintenant que lorsque Du côté de chez Swann a apparu en 1913, eh bien, il souhaitait concourir. Il n'était pas du tout au courant de ce en quoi consistait ce prix, mais il disait si ce jury me lit, on en parlera et je trouverai peut-être quelques lecteurs amis de ma pensée. En tout cas, quand les plaisirs et les jours sont parus en 1896, le prix Goncourt n'existait pas encore. Mais est-ce qu'il pourrait avoir le Goncourt cette année, Marcel Proust, avec ce mystérieux correspondant? Ah ben voilà une question difficile, surtout quand on ne fait pas partie de l'Académie Goncourt et qu'on ne connaît pas le paysage littéraire. C'est une teneur d'une qualité littéraire tout à fait appréciable, mais je reconnais que comme une partie de ces nouvelles, pas toutes, mais une partie ont été laissées à l'état inachevé, certainement l'auteur ou son éditeur, si l'auteur n'était pas assez avisé, l'aurait dissuadé de le soumettre à cette académie. Mais je suis sûr que cet inachèvement de nouvelles fait la grande qualité, finalement, l'intérêt qu'on peut avoir pour ce recueil, Luc Fraisse. Vous ne croyez pas si bien dire. On me demande de temps en temps, maintenant, choisissez quelle est votre nouvelle préférée dans ce recueil. Il y en a 9, hein, 9-10. C'est ça, 9. Donc une n'est pas, on y reviendra peut-être, véritablement inédite. Il y en a une qui est ma préférée, parce qu'elle est inachevée, cette nouvelle qui s'intitule du nom de son personnage Jacques Lefeld, et où on voit quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi un de ses amis, qui est un jeune écrivain, dont on parle... Lui est Bafroy. Oui, il le rencontre se promenant au bois régulièrement, regardant, songeant, comme s'il était un peu triste, s'il attendait quelqu'un qui ne venait pas, et il fait toujours la même chose, tous les jours à la même heure. Et puis, il s'absente un moment, on ne le revoit plus, et tout à coup, il l'aperçoit à nouveau, et cette fois, au bois de Boulogne, il est rayonnant de joie. Alors à ce moment-là, il parvient à s'approcher, à lier conversation, et donc il lui dit, mais cher ami, que s'est-il passé ? Jacques Lefeld est sur le point de le lui dire et la phrase de Proust s'arrête au milieu. Eh bien, je dois dire que le fait d'avoir aiguisé notre attente de cette manière et de ne pas apporter de réponse, c'est un peu ma nouvelle préférée parce que pour que Proust ait commencé cette nouvelle, il fallait que lui ait la réponse. Et nous ne l'aurons jamais. Bah, nous l'aurons peut-être à la fin du temps retrouvé, que peut-être la vraie vie, c'est la littérature. Voilà. C'est une des possibilités, c'est en effet. C'est une des possibilités. C'est un personnage écrivain. Alors, comment êtes-vous arrivé, vous, Luc Fraisse? Vous êtes donc professeur à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la littérature française. Vous êtes un des Proustiens émérites. Mais comment ces nouvelles inédites sont arrivées dans vos mains? Voilà. Heureux homme. Effectivement. Oui, tout à fait. Heureux homme. Imaginez la joie que cela peut être quand on étudie Proust depuis des dizaines d'années et qu'on reçoit le message électronique de quelqu'un qui est le nouveau directeur des éditions de Fallois, Dominique Gouste, et qui vous dit que il a géré sept cartons faisant partie du patrimoine de Bernard de Fallois qui est mort en janvier 2018 et que il faudrait expertiser ces cartons, les explorer. Ils doivent parvenir selon la volonté de Bernard de Fallois à la Bibliothèque nationale de France et donc on aurait besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'avait jamais été ouvert ? Ben, impossible. Par Bernard de Fallois certainement, mais c'était, ça n'était, je pense, même pas dans sa maison d'édition, c'était chez lui, à son domicile. Là aussi, c'est le début d'une nouvelle, voire d'un roman. Enfin, tout à fait. On a un ami comme ça nous raconte. Voilà, j'ai un coffret avec un manuscrit. Enfin bon, là vous avez sept cartons. Tout à fait. Il y a déjà eu un roman analogue à la mort du frère de Proust, Robert Proust, lorsque la belle-sœur de Proust a tâché de brûler le plus de choses possible des archives de son détesté beau-frère, et qu'à ce moment-là, plusieurs personnes intéressantes sont arrivées pour sauver tout cela. Et c'est déjà un roman. Mais alors, dans le mien de roman. Donc, où je suis involontairement un personnage modeste, donc je suis venu explorer ces sept cartons. Alors, il y a des papiers concernant toutes les périodes de la création de Proust, mais il y en a beaucoup concernant, je dirais, la première période, celle de la décennie des 20 ans de Proust, la décennie des années 1890, la décennie où l'on voit apparaître, en tout cas, le premier livre publié par Proust, Les plaisirs et les jours, en 1896. Et là, en regardant dans ces manuscrits, je reconnaissais certains éléments de ce recueil, et puis je voyais apparaître de la main de Proust des textes qui avaient des titres qui m'étaient inconnus. Donc j'ai émis deux hypothèses. La première, la plus naturelle, c'était mon ignorance, et la seconde, c'était que Proust avait changé les titres de textes que nous connaissions. Après tout, Les plaisirs et les jours, j'ai retrouvé aussi des plans dans lesquels ce recueil s'intitulait Le château de Réveillon. Pourquoi pas les nouvelles? Alors je me suis mis à lire l'écriture de Proust. Les textes non plus ne disaient rien. Et donc, je me suis rendu compte que c'était donc des textes inédits. Ça a été confirmé par un autre aspect romanesque, c'est que Bernard de Fallois, dont on pourrait parler longtemps, qui a joué un rôle très important dans le développement de l'œuvre de Proust au XXe siècle, s'il est connu pour nous, il restera définitivement connu pour avoir retrouvé et publié Jean Santeuil en 1952, le Contre Sainte-Beuve en 1954. Eh bien, en fait, c'est parce que tout jeune agrégé, premier à l'agrégation d'aide classique en 1948, eh bien, au début des années 1950, il s'est mis à fouiller dans toutes les archives, dans tous les papiers de Proust, et il préparait, je pense, une thèse. Une thèse sur l'évolution créatrice de Proust jusqu'à la recherche du temps perdu. Et de cette thèse, dont au moins deux des trois parties avaient été écrites, la deuxième était conservée depuis extraordinairement longtemps par l'un de ses compagnons de l'époque, Jean-Claude Casanova, qui est connu comme le directeur de commentaires. Jean-Claude Casanova a ressorti la dactylographie de cet essai. Nous l'avons publié il y a quelques mois sous le titre de Proust avant Proust, aux belles lettres. Et si l'on regarde cet essai, c'est tout à fait miraculeux parce que c'est un essai, tous les connaisseurs de Proust le trouvent remarquable, sorti 70 ans plus tard, hein, l'épreuve du temps, hein, là, tout à fait extraordinaire. Et il y a une section dans laquelle Bernard de Fallois dit « Il y a eu des nouvelles écartées, il y a eu des nouvelles inédites, il les nomme toutes, il les résume, il en cite les passages les plus importants. » Et avec ce sens des structures qu'avait Bernard de Fallois, il se demande s'il y a une unité dans ces pièces rejetées. Est-ce qu'elles constituent un tout, puisqu'elles ont quand même en commun d'être matériellement écartées du recueil? Donc, j'ai été aidé dans l'interprétation de ces nouvelles et dans leur découverte. Et comment avez-vous analysé, vous, Luc Fraisse, psychologiquement, cette espèce de rétention comme ça, passionnée, j'imagine, de ces cartons? Alors, je ne sais pas où ils étaient, dans la maison de Bernard de Fallois, mais... Oui, certainement. Hein. Alors évidemment, on m'a demandé un million de fois pourquoi Bernard de Fallois n'avait pas publié ses nouvelles. On m'a demandé le même nombre de fois pourquoi Proust lui-même ne les avait pas publiées. Pour ce qui est de Bernard de Fallois, il faut se représenter sa destinée. C'est-à-dire que une fois qu'il a publié les deux œuvres très importantes qu'il a retrouvées, c'est vers le monde de l'édition que cela l'a dirigé. Apparemment, dans les années 50, comment pourrait-on l'imaginer aujourd'hui, l'université française n'était pas très enthousiaste à l'idée de faire préparer des travaux sur ce Marcel Proust. On a du mal à imaginer aujourd'hui cela. En 1952, Bernard de Fallois a malgré tout publié la seule nouvelle qui ne soit pas inédite dans le recueil, Souvenir d'un capitaine, dans Le Figaro, en novembre 1952, pour les 30 ans de la mort de Proust. Et la rédaction du Figaro littéraire, elle-même, m'a fait remarquer qu'à l'époque, la couverture du Figaro n'annonce pas qu'il y aura à l'intérieur cette nouvelle inédite de Proust. Aujourd'hui, vous imaginez. Bon, et donc, ça veut dire que c'était pas très important. Bon, c'était tant mieux, intéressant, mais sans plus. Et donc, il faut se représenter d'une part que publier des nouvelles dont la moitié sont inachevées, à l'époque, ça n'aurait rien eu d'extraordinaire, il n'y avait pas cette soif de Proust. Donc, quand même, je me réjouis. Par ailleurs, il faut aussi se représenter, moi, je ne peux pas me le représenter, mais j'imagine ce que cela a été de se retrouver à la tête du groupe Hachette, hein, ce qu'est devenu Bernard de Fallois. Et alors, évidemment, ces choses, si extraordinaires soient-elles, elles le sont restées à ses yeux, ces choses se sont éloignées. Quand je vois que la thèse que j'ai soutenue il y a plus de 30 ans, j'ai des cartons et moi-même je sais à peine ce qu'il y a à l'intérieur, j'imagine, et pourtant j'ai travaillé en continuité, j'imagine ce que ça peut être pour Bernard de Fallois qui s'occupait de tout un monde par rapport à ses papiers. Vous pensez même qu'il les a jamais ouverts, les cartons, ces cartons-là? Il les avait complètement explorés, oui. Bien évidemment. On retrouve dedans notamment beaucoup de transcriptions, des plans. Il a fait un travail d'archives parce que c'était des feuilles volantes et séparées. Il a transcrit ou lu, déchiffré toutes ces feuilles, il les a toutes datées, il les a toutes classées. Enfin, je veux dire, c'est absolument extraordinaire comme travail. Et le fait qu'il lègue ces 7 cartons spécialement, que ça, à la Bibliothèque nationale, dans le but, dit-il, que tous les chercheurs puissent y avoir accès, notamment la terreur c'est que ça soit dispersé dans des salles de vente, on a connu des ventes chez Sotheby's peu réjouissantes, Et donc, ça, c'est sauvé par cet héritage, indique qu'il n'avait jamais perdu Proust de vue et qu'il se souvenait parfaitement d'avoir ses cartons. Alors, comme nous sommes dans une nuit des prix littéraires, je dois signaler que vous avez obtenu deux fois même le Grand Prix de l'Académie française. Oui, en effectivement. 10, 11, et puis en 2014, c'était pour des travaux sur Proust. Alors, oui, j'avais le droit de penser à quelqu'un d'autre que Proust, oui, mais quand même. Ça a été un peu le cas. En 1991, c'était pour un livre, l'œuvre cathédrale, qui poussait jusqu'au bout l'idée qu'affirmait Proust, qu'il avait construit La Recherche du Temps Perdu comme une cathédrale. En 2004, c'était un livre d'histoire, en quelque sorte, la critique littéraire, les fondements de l'histoire littéraire depuis le 18e siècle. Et j'en ai encore obtenu un troisième, le prix Roland de Jouvenel. Et à l'instant, je ne me souviens plus pour lequel de mes livres, il faut me le pardonner. Alors, en tout cas, bon, vous êtes un prix littéraire, vous avez le droit d'être là, Luc Fraisse, donc, dans cette nuit particulière. Voilà. 9 nouvelles, donc. Est-ce que il y a un très long avant-propos, enfin une introduction. Ensuite, vous parlez beaucoup de prose, il y a une trentaine de pages qui sont de vous. Ces nouvelles veulent dire quelque chose ensemble ou, enfin, je veux dire, elles annoncent chacune séparément un personnage ou éventuellement une petite action dans un des tomes de la recherche qu'il écrira quelques années plus tard ou certainement. Ou c'est une invention du chercheur universitaire que vous êtes et il faut trouver une unité. Non, d'une part. C'était intéressant parce qu'on en a les manuscrits. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la republication de la nouvelle Souvenir d'un capitaine, puisqu'on pourrait me dire, mais elle n'est pas inédite. Seulement, quand elle a été publiée et ensuite reprise dans certains recueils, tout le monde reconnaissait qu'on était obligé de transcrire, de recopier le Figaro parce que le manuscrit semblait perdu. Donc, comme je l'ai eu entre les mains, j'en ai profité. Puis c'est exactement dans la thématique de l'œuvre. Par la suite, ces nouvelles, non, ont quand même des caractères assez communs. Et d'ailleurs, leur caractère principal me semble les rendre intéressantes pour même des lecteurs qui ne sont pas spécialement attachés à Proust, parce que ce caractère commun, c'est l'énigme. Il y a dans ces nouvelles une atmosphère énigmatique. On entre dans un univers dont on n'a pas la clé, et ce qui fait tourner au lecteur les pages, c'est l'espoir de trouver cette clé. Et donc, il me semble que c'est une lecture captivante, même pour des gens qui n'ont pas pour but de s'initier définitivement à l'œuvre de Proust. Alors, dans le cas de Jacques Lefeld, cette clé nous est sévèrement refusée. Dans la plupart des cas, elle nous est donnée, mais elle ne nous est jamais donnée, d'ailleurs, nettement. Par exemple, dans Le Mystérieux Correspondant, on a la clé de l'énigme, mais ça se termine par une interprétation sur la portée de cette histoire qui se décompose en deux points de vue, celui du médecin et celui du prêtre, qui sont diamétralement opposés. Et en fait, on ne tranche pas entre les deux. Ce qui fait que souvent, on a la clé. Mais même par des lapsus, d'ailleurs. Remarquable, de oui, des lapsus. On a la clé, mais si on voulait savoir quelle est la signification, la portée, hein, c'est ça le caractère des œuvres littéraires, c'est que elles ont toujours un surplus de sens qui se dérobe et le lecteur a le sentiment qu'il faudra lire et relire, essayer de s'approcher parce que tout ne lui est pas donné de la manière la plus évidente. Bah dans La Recherche du Temps Perdu aussi, de toute façon, tous les personnages évoluent, enfin le regard du narrateur ou d'autres personnages sur ces personnages-là. Et toutes les clés ne sont pas données, loin de là. Et heureusement, en effet. Alors, Luc Fraisse, il y a le lecteur qui est intéressé par ces nouvelles, qui peut en préférer telle ou telle autre. Et puis, je pense qu'il y a aussi les jeunes écrivains ou les gens de 20 ans qui ont envie d'écrire et qui se disent, voilà, il y a des ébauches comme ça, j'écris peut-être pas très bien moi, mais voilà, si ça se trouve, dans 20 ans, 15 ans, ça donne de l'espoir. Mais là, Proust peut leur servir d'exemple. Bon. Nous qui sommes habitués, bien sûr, au Proust de La Recherche du Temps Perdu, ce cycle romanesque en 7 volumes en continuité, on ne peut pas lire l'un sans connaître les autres. Et Proust s'est installé dans cette grande machine en sachant qu'il mourrait à la tâche et que ce serait presque sa mort qui déciderait de la configuration de l'œuvre. Évidemment, ici, on est là avec un Proust qui a une vingtaine d'années, qui écrit des nouvelles, visiblement, parce qu'il n'a pas le courage de se lancer dans l'arsenal d'un roman, ce qu'il fera quand même tout de suite après avec Jean Santeuil. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une formule narrative par nouvelle. Un conte de fées, un conte fantastique, une nouvelle un petit peu plus ou moins policière. Laquelle policière? Enfin, le mystérieux correspondant, Oui. Il y a un côté un peu Edgar Poe, la lettre volée. Hein, Proust aimait beaucoup la lettre volée d'Edgar Poe. Alors, c'est pas une lettre volée, c'est une écriture. Voilà, des lettres reconnues. Qui surgissent sans, alors que la maison est fermée. Le mystère de la chambre. Oui. Pas jaune, mais quand même. Bon, une lettre apparaît. Ce qui me frappe, c'est On pourrait être dans Arsène Lupin, là, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Hein, il y a cette atmosphère. Ce qui me frappe, c'est que Proust semble avoir marqué une ligne de départ de sa création romanesque et avoir mis toute une série de chevaux et les avoir lancés pour voir ce que ça donne. En multipliant les formules, il en abandonnera beaucoup, quoique, mais sous une autre forme. Mais je crois qu'il y avait cette multiplication d'expériences, un petit peu comme avant d'écrire au seuil, au moment d'écrire La recherche du temps perdu, il publiera des pastiches qui imitent Balzac, Flaubert, etc., Saint-Simon, pour essayer, comme il le dit, de devenir Marcel Proust. Et je crois que c'est un peu le même genre d'exercice dans ses nouvelles, et ça peut être recommandé à des écrivains débutants. Et d'ailleurs, il pastichera les Goncourt, qu'on retrouvera dans la recherche du temps perdu. À la fin du temps retrouvé, tout à fait. Qui croise-t-il, les Goncourt? Ils croisent des personnages de la recherche aussi, non? Bien sûr. Ils sont attablés chez les Verdurin. Et pensons à cette promotion des Verdurin, qui ont quand même le droit d'être des personnages assez importants dans la recherche du temps perdu, et que Proust a même projeté dans le journal d'Edmond de Goncourt. Quelle gloire! Il faut dire que Madame Verdurin terminera... Peut-on le dire, princesse de Guermantes, après avoir été duchesse de Duras et veuve de Monsieur Verdurin. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute une toute petite archive sur un autre prix? Très volontiers. Ça ressemble à Goncourt, mais c'est pas exactement le prix Goncourt, Luc Fraisse. Bon, alors pour nous faire patienter, pour attendre le Goncourt, je voudrais parler d'un autre Goncourt. Il s'agit du métro, celui-là. Vous savez qu'il existe, le métro Goncourt. Jacques Février, vous vous trouvez au métro Goncourt? Oui, Maurice Hutin, je me trouve à la distribution des billets du métro Goncourt où je viens d'assister à la remise d'un prix très particulier. Un prix qui ne figure pas au Gotha des prix de littérature. Le prix du métro Goncourt. Il y a quelques minutes à peine, très farfelu, composé d'un jury très mélangé, puisqu'on y relève entre autres un éditeur, un comédien, un ecclésiastique, un champion sportif, une marchande de cataison, un homme grenouille. Ces farfelus donc se réunissaient à la distribution des billets. Celui qui semblait être le secrétaire général lut tout d'abord le communiqué suivant. Je vous le lis avec toute la réserve qui s'impose, bien entendu. Oui. Voici le communiqué. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas sous l'insultante pression des épiciers en livre que l'Académie Goncourt a désigné son lauréat avec 3 semaines d'avance. L'Académie a craint l'arrivée du métro Goncourt. Crainte ridicule, car notre prix est destiné à tirer un ouvrage d'un injuste oubli et non à suivre platement la bonne ou mauvaise ferveur d'un public qui a déjà assuré à tel roman un tirage de 50 000 exemplaires. Oui. Eh bien, le jury du prix du métro Goncourt, renforcé en dernière heure par un homme grenouille, comme je vous l'ai dit, une marchande des 4 saisons, a décerné son prix à Tintin et Milou pour l'ouvrage de Paul Vendrome. Le monde de Tintin, la décision a été acquise à la 7e station à une forte majorité. Il est à remarquer que ce livre n'avait recueilli aucune voix aux 4 grands prix de fin d'année. Vous êtes, Maurice Hutin, sans doute curieux de savoir en quoi consiste ce prix. Eh oui, tout de même, un peu maintenant. Eh bien, le prix consiste en un carnet de tickets de métro à laquelle on a ajouté non pas une rame de métro, mais une rame de papier. C'était en 1959, le 7 décembre 1959, à la radio, bien entendu, que l'on attendait le prix Goncourt. D'ailleurs, le Monde de Tintin de Paul Vendrome, il était publié chez Gallimard, hein, quand même, aussi. Alors, nous attendons vaguement demain, enfin, dans les quelques heures qui viennent, les prix littéraires de l'année, Luc Fraisse. Revenons au mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites. Vous m'avez parlé 2 fois de la même nouvelle. Vous ne parlez pas aux enfers. Oui, pourtant. Ou de le don des fées. C'est aussi le rapport à l'écriture de Proust, en tout cas ce qu'il vivait lui plutôt, au personnage et à sa souffrance peut-être. Parce qu'en effet, plusieurs de ces nouvelles, on a pensé que c'était la raison pour laquelle elles s'étaient trouvées écartées, évoquent, vous avez dit le mot, la souffrance de se découvrir homosexuel. Ou de le dire en tout cas, parce que peut-être qu'il ne souffre pas dans la vraie vie. Mais ça revient au même, parce que si le dire est une catastrophe, on va souffrir toute sa vie de ce que l'on est. Donc, malgré tout, et Aux Enfers est encore, pour évoquer ce thème, la nouvelle la plus joyeuse, parce que c'est un dialogue des morts. Comme on en faisait écrire aux lycéens à l'époque, il y a des sujets de dissertation. D'ailleurs, souvenons-nous, ça ressemble un peu au sujet que Gisèle, à l'ombre de jeunes filles en fleurs, a traité pour le brevet. Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. Bon. Drôle de sujet, fait remarquer le narrateur au bout d'un moment, mais drôle d'écrit de jeunesse, pourrait ajouter Proust, qui a écrit lui-même Aux Enfers, où l'on voit se rencontrer Samson, celui de l'Ancien Testament, celui qui a été trahi par Dalila, vous savez, Kélus, qui était un mignon d'Henri III, et puis Renan, Ernest Renan, qui est mort en 1892, donc on est vraiment, là, on arrive à l'actualité, et alors Kélus fait un éloge de tous les avantages qu'il y a à être homosexuel avec un cynisme réjoui. C'est la seule nouvelle dans laquelle le voile du tragique est soulevé un moment. Et c'est tout à fait curieux, cette conception. Peut-être a-t-il lu Marcel Proust, Alexandre Dumas, et Kélus est dans des romans. Tout donc, à fait. C'était un lecteur, et un lecteur assez enthousiaste d'Alexandre Dumas, même si évidemment leur conception du roman était très, très éloignée, mais un écrivain ne lit pas seulement ceux qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. En tout cas, on lit et relit ces nouvelles, parce qu'en effet, il faut revenir aux premières pour s'imprégner de tout et comprendre le Marcel Proust jeune, qui avant celui qui s'est mise à écrire à la recherche du temps perdu quelques années plus tard. Le don des fées, c'est pas d'une grande gaieté non plus, parce que... Alors là, ça fait partie, c'est pourquoi ce problème moral, psychologique de l'homosexualité est traité ensuite de manière indirecte par d'autres nouvelles, notamment le don des fées, mais il y a cette fée, on dit les bonnes fées qui se penchent sur le berceau, qui se penchent non pas sur le berceau, mais sur le sujet auquel elle s'adresse, pour lui expliquer qu'elle va le doter d'une sensibilité exacerbée qui lui donnera des pouvoirs extraordinaires, de l'imagination, une pénétration, une compréhension, mais qu'il aura la souffrance en partage et qu'il aura l'incompréhension. Et ça mène à une autre nouvelle, un conte fantastique, dans laquelle le personnage qui a compris ça aperçoit qu'il n'est pas seul dans sa chambre pendant qu'il est en train de souffrir et de se désoler, qu'il y a un curieux animal, un écureuil chat, qui est silencieux auprès de lui, soyeux, qu'il peut emmener dans la société parce que, au cours d'un dîner, il est là, il est le seul à le voir, et qui est son consolateur dans cette souffrance que personne ne connaît. Voilà un conte fantastique, vous voyez. Donc, beaucoup de ces nouvelles, en réalité, posent un problème moral, psychologique, même quand c'est au troisième degré. C'est une espèce de doudou. C'est oui, je n'y aurais pas pensé, mais maintenant que vous le dites. C'est pas très proustien ou très littéraire peut-être, mais enfin, c'est les enfants ont leur doudou. Tout à fait. Et ce personnage a son écureuil chat. Vivant. Vivant, enfin, que personne d'autre que lui ne peut voir. Luc Fraisse, donc, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites, c'est publié aux éditions de Fallois. Dans les autres cartons, puisque il y avait, j'imagine, ces nouvelles dans un des sept cartons, il y a d'autres trésors, il y a d'autres... Bien sûr, parce que ça concerne, classé par Bernard de Fallois. Mais pour les chercheurs, vous nous avez dit, puisque ça sera la BNF, mais... Oui. Pour éventuellement plus tard, dans un autre volume Alors, je n'ai pas de huitième volume de La Recherche du Temps Perdu non. proposé. Tant mieux. Certains nous disent que Proust était en train de le concevoir avant le temps retrouvé, au moment où il est mort. On ne le saura jamais, et on ne peut donc pas spécialement l'affirmer. Il y aura beaucoup d'éclaircissements. Et d'ailleurs, Bernard de Fallois a joué sur les deux plans, parce que là, il lègue tout à la Bibliothèque Nationale pour les chercheurs, mais d'un autre côté, c'est quand même lui qui a tenu à faire entrer pour la première fois La Recherche du Temps Perdu dans le livre de poche, pour tout le monde, hein, les deux à la fois. Et alors à la fin du volume, j'ai donné malgré tout quelques documents tout à fait pittoresques concernant la recherche du temps perdu, où l'on voit apparaître une ode écrite en vers aux jeunes gens golfeurs de Cabourg, qui deviendront les jeunes filles en fleurs, où l'on voit un concierge de Proust qui est allé noter pour lui les cris de Paris pour qu'Albertine et le héros puissent les entendre dans l'appartement du héros. Les marchands, et, Bonnion, etc. Il note tout ça à la Verduresse, etc. Et il est désolé, ce concierge, de ne pas pouvoir reproduire l'intonation et le chant qui rendaient évidemment inimitables ces paroles qu'il retranscrit. Merci Luc Fraisse, on vous retrouve en fin de cette nuit des prix littéraires qui commence avec une tribune de Paris, Grégoire et Amédée, et puis à tout écouter. Merci à vous.